c'était pas l'ordre choisi, Marie Picu. L'ordre les aime pas cru. L'ordre choisi, Marie Picu. L'ordre les aime pas cru. Pas existé, penseur on l'aurait inventé pour gagner un petit frisson. C'était ce qu'aimait l'opinion. L'ordre choisi m'a répliqué. L'ordre les aime pas cru. L'ordre choisi m'a répliqué. L'ordre les aime pas cru. Barbe bleue, pas eu la fin des plus heureux.